professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que l'art du pamphlet tel qu'il est pratiqué par Paul-Louis Courier, auteur aujourd'hui oublié malgré ses brochures polémiques célèbres sous la Restauration, demande Antoine Compagnon. Comment situer Paul-Louis Courier dans la bataille romantique ? Quelles étaient les relations entre opposition et subtile convergence de ce redoutable bretteur, illustre auteur en 1824 du pamphlet des pamphlets, avec le grand polémiste du siècle, Chateaubriand, qu'il avait surnommé pour sa part le vicomte pamphlétaire? Et quelle généalogie possible avec Pascal dans l'art polémique? Pourquoi l'antipathie pour les faiseurs de livres? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, poursuit la série inaugurée en 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Dans un premier cycle de cours, il avait mis en avant les tropes de la guerre littéraire qu'il avait empruntée aux illusions perdues de Balzac. Balzac que nous retrouverons en ouverture aujourd'hui. Cette année, Antoine Compagnon consacre ses cours à quelques grandes figures de cette bataille littéraire. Et en début de semaine, nous avons découvert Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, mort assassiné avant de découvrir demain le duelliste en épée et en plume, Armand Carrel, qui sera aussi le premier biographe du pamphlétaire. Si l'art de Paul-Louis Courier est grand dans le pamphlet, Stendhal voyant en lui l'homme le plus intelligent de France, le personnage n'est pas toujours sympathique. Nous avons vu hier l'affaire de la tache d'encre, affaire d'État sous la Restauration. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Courier? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 23 janvier 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, troisième et dernière partie. Courier était donc un homme très célèbre dans ses quelques années de pamphlétaire entre 1820 et 1825, lorsqu'il a été assassiné. Et les pamphlets de Courier sont vraiment les lettres de créance de ce nouveau genre qui s'est répandu au XIXe siècle, très important. Et puis, je vous ai parlé de son procès en 1821, de la prison à Sainte-Pélagie et des poursuites qui ont succédé à chacun de ses pamphlets. Et tout cela lui a donné une très grande célébrité. Et c'était un helléniste amateur, mais il a délaissé pendant toutes ces années le grec, les traductions, et il a été pris au jeu de cette polémique périodique. Voici ce qu'il écrivait à sa femme en juin 1821, au moment de la publication de son pamphlet contre la souscription nationale pour l'achat du château de Chambord pour le futur comte de Chambord. « Mon Chambord est un grand succès, il s'en vend beaucoup. » Et puis, quelques jours plus tard, il ne sait pas encore qu'il sera poursuivi et conduit en prison. « Ma brochure a un succès fou, tu ne peux pas imaginer cela, c'est de l'admiration, de l'enthousiasme, etc. Quelques personnes voudraient que je fusse député et y travaille de tout leur pouvoir. » Beaucoup de succès, Et l'un des témoignages que l'on a de cette célébrité du personnage, on le trouve dans le roman de Balzac, dont je parlais l'année dernière, Illusion perdue, la seconde partie, un grand homme de province à Paris, qui est publié un peu plus tard, en 1839. Mais bon, c'est une grande fresque de la guerre littéraire. Mais ça se situe justement en 1821, à la date de ce pamphlet de Courrier, ce simple discours à l'occasion de la souscription pour l'acquisition de Chambord, et puis le procès et la prison. Et Lucien de Rubempré et Lousteau, qui est son initiateur, son mauvais génie, se rendent au Palais Royal, dans ces fameuses galeries de bois du Palais Royal, qu'on reconstruit en ce moment, et qui sont véritablement le centre de la vie parisienne, intellectuelle et polémique. C'est là qu'on trouve les librairies, et voici ce que Balzac écrit. « Il n'y avait là que des librairies de la poésie, de la politique et de la prose. » Des marchandes de mode, hein, ce mélange de librairie et mode, des marchandes de mode, enfin des filles de joie, hein, c'est toujours le cœur de la prostitution, qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la tribune, les mensonges de la librairie. Là se vendaient les nouveautés au public qui s'obstinaient à ne les acheter que là. Là se sont vendus dans une seule soirée plusieurs milliers de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis Courrier ou des aventures de la fille d'un roi. Et vous remarquez, Courrier est vendu chez les marchands de nouveautés. Je vous avais montré les couvertures de ce simple discours et du procès qui a suivi, puisque le procès est toujours l'occasion de dire beaucoup plus que dans le pamphlet. C'est vendu chez tous les marchands de nouveautés, avec cette ambiguïté du mot. Les nouveautés, ce sont à la fois les étoffes et les brochures, les opuscules, les publications à caractère éphémère, mais non périodique. Ce ne sont pas des journaux. C'est toutes ces publications d'actualité qui font scandale. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que dans Simple Discours, il y a le nom de l'imprimeur, l'imprimerie Bobet de tous les pamphlets, mais il sera poursuivi donc dans le procès quelques mois plus tard. Le nom de l'imprimeur ne figure plus. Et le second pamphlétaire que Balzac signalait, hein, Les aventures de la fille d'un roi, ben c'est un pamphlétaire qu'on a oublié. Lui, il s'appelle Jean Watou. Et Les aventures de la fille d'un roi, c'est le récit allégorique de la Charte. C'est la Charte, la fille du roi. Et Balzac, dans la monographie de la presse parisienne, un peu plus tard, dira que ces aventures de la fille d'un roi, c'est le premier coup de feu tiré par la maison d'Orléans sur la Charte de Louis XVIII. Donc tout ça annonce la Révolution de 1830. Dans la monographie de la presse parisienne, donc, ce texte de Balzac dont j'ai déjà parlé l'année dernière, qui date de 1843, qui est une description de toutes les catégories du journalisme parisien sous la monarchie de Juillet, eh bien, figure une rubrique pamphlétaire. Donc le mot est bien introduit dans la langue, c'est un mot récent, mais maintenant cela existe bien, et Balzac en dit ceci: qui dit pamphlet dit opposition. C'est presque une citation de Courrier, puisque vous vous souvenez de la phrase que je citais du pamphlet des pamphlets: qui dit pamphlet dit poison. Qui dit pamphlet dit opposition. On n'a pas encore su faire en France de pamphlet au profit du pouvoir, donc de pamphlet louangeur. Le pamphlet n'a donc que deux faces, il est radical ou monarchique. Radical, c'est-à-dire républicain, sous la monarchie de Juillet, et monarchique, c'est-à-dire légitimiste, au même moment. L'opposition à l'eau tiède des journaux dynastiques, donc les journaux légitimistes, ne leur permet pas de fabriquer le 3-6 du pamphlet. Le 3-6, c'est un alcool, une eau de vie très forte, à 84 degrés d'alcool. Le vrai pamphlet est une œuvre du plus haut talent, si toutefois il n'est pas le cri du génie. Vous voyez que pour Balzac, il n'y a donc pas de bon pamphlet légitimiste, mais seulement de bon pamphlet républicain. Et encore, le pamphlet, dit-il, est rare. Il doit être d'ailleurs porté par les circonstances, mais il est alors plus puissant que le journal. Le pamphlet, donc, n'est pas périodique, qui est d'occasion, est véritablement l'arme la plus dangereuse contre le pouvoir. Le pamphlet veut de la science réelle, mise sous une forme plaisante. Il veut une plume impeccable, car il doit être sans faute. Sa phraséologie doit être courte, incisive, chaude et imagée, quatre facultés qui ne relèvent que du génie. Sous la Restauration, le pamphlet a fourni Benjamin Constant, Chateaubriand, Courier et Monsieur Watteau. Alors Chateaubriand, il l'écarte parce que Chateaubriand, en 1843, est un homme âgé déjà. Et puis, dit-il, il n'a jamais écrit son pamphlet contre Napoléon. Benjamin Constant est trop méthodique et Watteau, l'auteur de ces aventures d'une jeune fille, est déjà oublié et reste Courrier. Hein. Courrier seul reste, plus comme monument littéraire que comme pamphlet. Hein. Donc, au fond, la cible de Courrier est périmée, n'a plus d'actualité. Sa cible, c'était la congrégation sous la Restauration. Mais reste ce Courrier monument littéraire, bon, qui restera sous toute la Troisième République, que Carrel lui-même qualifie de grand écrivain. Enfin, le vrai pamphlétaire fut Béranger, parce que Béranger, lui, avec ses chansons, s'adresse au peuple. Courrier, c'est donc le pamphlétaire qui est en quelque sorte canonisé comme écrivain durant toute cette période. Aujourd'hui, alors ça c'était sous la Restauration, aujourd'hui, poursuit Balzac, nous jouissons de deux pamphlétaires, l'abbé de Lamennais et monsieur de Cormenin. Le pamphlet Cormenin est filandreux, celui de monsieur de Lamennais est nuageux, monsieur de Chateaubriand, dont les dernières brochures sont supérieures à ses premières, est arrivé à l'âge où l'on n'écrit plus de pamphlets. Donc vous voyez que finalement le seul qui subsiste, c'est bien Courrier. Mais je voudrais prendre cette occasion pour dire quelques mots de Cormenin, qui est cité ici, monsieur de Cormenin, parce que dans ces quelques portraits de grands guerriers littéraires du moment, je n'aurai pas le temps de consacrer une séance à Cormenin, donc j'en profite pour dire quelques mots, puisqu'il est le successeur de Courrier sous la monarchie de Juillet. Bon, c'est un autre profil, c'est un juriste, c'est un membre du Conseil d'État sous l'Empire, rallié à la Restauration et député d'opposition à partir de 1828 et puis sous toute la monarchie de Juillet. C'est un homme qui siège à l'extrême gauche. Le voici caricaturé par Nadar, qui vote contre le gouvernement, mais qui ne prend jamais la parole à la Chambre des députés. Mais c'est un observateur très attentif de ce qui se passe à la Chambre, et il a fait au pouvoir de la monarchie de Juillet une guerre incessante de pamphlets. Alors c'était plus facile que Courrier, puisqu'il avait l'immunité parlementaire, étant député. Et essentiellement, pendant toute la monarchie de Juillet, sa guerre contre le régime, c'est contre la liste civile du roi, contre le budget qui est consacré à la maison du roi, sous le nom de pseudonyme de Timon. Son pseudonyme, c'est Timon, Timon d'Athènes, bien sûr. Et à plusieurs reprises sous la monarchie de Juillet, le gouvernement a été contraint de retirer sa demande d'argent, de financement de la liste civile du roi. Mais il est surtout connu pour un livre important, publié en 1842, qui s'appelle « Le livre des orateurs ». C'est un livre très intéressant. C'est vraiment une rhétorique, un art de la rhétorique écrite sous la monarchie de Juillet par quelqu'un qui a observé l'éloquence parlementaire de la Restauration et de la monarchie de Juillet. C'est la grande époque de l'éloquence parlementaire, hein, c'est nouveau, il y a les modèles anglais, et Cormenin, qui n'a jamais parlé à l'Assemblée, a observé tout ce qui s'y passait et il a fait un véritable traité de rhétorique, non seulement parlementaire. Par exemple, il y a un chapitre très intéressant sur l'improvisation. Faut-il improviser ? Qu'est-ce que l'art de l'improvisation ? Et non seulement il parle de la rhétorique parlementaire, mais aussi de la rhétorique journalistique et de la rhétorique du pamphlet. Et il y a un chapitre qui est consacré à ceux qu'il appelle lui aussi les pamphlétaires. Le voici dans la monographie de Balzac, monographie de la presse parisienne, où on voit qu'il est un équilibriste avec sur son bandeau « Avis aux contribuables », hein, allusion à toute sa guerre contre les impôts servant à financer la maison du roi. Alors qu'est-ce qu'un pamphlet, dit-il ? Le mot le dit assez, c'est un opuscule sur un sujet donné politique ou littéraire, c'est l'art d'animer la pensée, de la refléter dans des prismes colorés, de la vêtir de force, de l'armer de traits et de feu, et de la lancer dans le combat. Et on trouve la même liste, qui est tout à fait canonique, des grands pamphlétaires du moment, sauf que Cormenin l'a fait commencer par Sieyès. Sieyès est le père du pamphlet dans la langue française, avec son petit opuscule « Qu'est-ce que le tiers-état ?» C'est ça qui est l'origine du genre. On a Sieyès, on a Constant, on a Courier, on a Béranger, Carrel, Chateaubriand. C'est toujours la même liste jusqu'à l'amener comme contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement Cormenin dresse ce canon du pamphlet, mais fait ensuite une théorie ou un art du pamphlet qui est au fond l'analyse de ce qu'il pratique lui-même, et voici ce qu'il en dit du pamphlétaire. Il le traite évidemment de soldat. Soldat de la presse militante, combattre et puis combattre et toujours combattre, voilà son métier, son devoir et sa vie. Dragon, grenadier, voltigeur, artilleur, pionnier, capitaine ou caporal, en tête, en flanc, que lui importe sous quel pompon il se bat, pourvu qu'il soit vainqueur. Sabre, mousquet, lance, tout lui est bon, s'il fait balle ou plaie. D'ailleurs, s'il sort de sa tente où il y rentre, comme un volontaire et à sa fantaisie, il choisit le lieu, l'arme, l'heure de ses escarmouches. Tantôt il se jette dans la mêlée, tantôt c'est lui qui tire le canon d'alarme, tantôt il fait sa veille autour du camp pour relever les sentinelles endormies, tantôt il se met à la queue de l'armée et il pique les traînards avec les pointes de sa baïonnette. Toutes ces expressions, eh bien, soudain, elles éclairent pour moi ce passage de Baudelaire que j'avais cité l'an dernier, qui était très énigmatique, où il parlait de ce spadassin qui faisait ses trous, poussé à la queue. On retrouve en effet toutes ces expressions ici sous la plume de Cormenin. Alors Cormenin est donc un des pamphlétaires majeurs de la monarchie de Juillet, et pourtant sa langue, à la différence de celle de Courrier, son style est peu apprécié et il n'entrera pas dans le canon. Il est ridiculisé tout de suite. Par exemple, le voici ridiculisé en tête du Charivari dès 1833, hein, Charivari, le journal des caricatures, où vous voyez que c'est lui qui est pastiché dans la liste civile et généreuse. Et il y a une expression de Cormenin qui est ridiculisée, qui est celle-ci, « Par ma bonne lame de Tolède, comme dirait Monsieur Hugo ». Donc il y a quelque chose d'emphatique. L'an dernier, j'avais parlé de cette expression « lame de Tolède », la lame de Tolède qui vient d'Hernani et qui est l'image, la métaphore de cette plume comme épée. La plume comme épée, c'est la lame de Tolède. Et on voit ces expressions de la monarchie destitutionnelle et de la royauté mitoyenne qui ridiculise Cormenin. Balzac dit, dans la monographie de la presse parisienne, « Ce pamphlétaire est lourd, il est rhéteur. » Rhéteur, c'est en effet lui qui publie à la même époque son livre des orateurs est de 1842, la monographie parisienne de 1843. Ces deux textes sont très proches. Il dit « Il est lourd, il est rhéteur. Il n'a pas l'allure à la Figaro de Courrier. » Bon, allusion à la fois à Beaumarchais, à l'insolence de Beaumarchais, mais aussi au petit journal satirique, Le Figaro, qui a été créé juste après la mort de Courrier, en 1826. Donc il y a ces deux allusions qui sont là, et donc c'est pas Courrier pour Balzac. Et la bonne lame de Tolède, ben, on la retrouve dans un article de Sainte-Beuve, à la même époque, la même année, 1843, donc tout le monde ridiculise Cormenin. Voici ce que dit Sainte-Beuve en citant Cormenin. Le début, c'est donc Cormenin. « Par Jupiter, lecteur, j'aurais pu affiler ma bonne lame, donner de la pointe à ce site, à ce barbare, et lui rendre blessure pour blessure. Mais nous autres, crèques d'Athènes, si nous avons du sel aux lèvres, nous n'avons pas de fiel dans le cœur, etc. » etc. J'abrège la parodie, il ne manque à ce choc, à ce chaotage de tous les styles que d'y avoir fait entrer plus au long ma bonne lame de Tolède, l'amalgame eût été complet. Et Sainte-Beuve cite en effet ce livre des orateurs, le chapitre sur les pamphlétaires, et cette bonne lame de Tolède, elle deviendra une sorte d'emblème ridicule de Cormenin. Bon, vous voyez qu'il y a ce parallèle Cormenin-Courrier-Constant. Mais je reviens à Balzac et à sa monographie de la presse parisienne où on trouve, me semble-t-il, ce qui est quelque chose comme la meilleure définition du pamphlet. Balzac dit « Le pamphlet est le sarcasme à l'état de boulet de canon. » Belle formule, une sorte de superlatif ou d'hyperbole et, au fond, d'arme de destruction massive. L'an dernier, nous avions parlé de l'épigramme et de la personnalité, qui sont les formes brèves de l'attaque, mais ces formes brèves étaient comparées toujours à l'épée, à l'arme blanche. Le pamphlet, lui, c'est l'obus ou le boulet, le sarcasme à l'état de boulet de canon. Et Jules Janin, ennemi de Balzac, qui reprend le texte de Balzac dans un article sur la monographie, bon, c'est un tissu de citations de Balzac repris par Janin, a une formule qui me paraît encore plus heureuse. « Monsieur de Cormenin est filandreux. » Il n'a pas l'allure à la Figaro de Courrier, il n'est pas agile. Courrier est resté plus comme monument littéraire que comme pamphlet, ce que j'ai cité. En résumé, il n'y a que Balzac qui ait l'allure de Figaro. Lui seul, il pouvait vous montrer comment le pamphlet est la vengeance à l'état de boulet de canon. Janin substitue au mot sarcasme le mot vengeance, ce qui me semble encore plus intéressant, puisque je vous ai dit que j'allais parler de la vengeance un peu plus tard, le mot de vengeance traverse tout ce moment de violence littéraire. La vengeance à l'état de boulet de canon, témoin le pamphlet IN 32 qu'il publiait tous les mois il y a déjà 3 années. Oh, c'est une revue, la revue parisienne que Balzac a publiée pendant 3 mois en 1840, un si terrible boulet de canon, canon Figaro, qu'au bout de 5 ou 6 numéros, en fait 3, le pamphlet de Balzac s'éteignit dans l'ennui et le dédain public au beau milieu d'une nouvelle extraordinaire de sa composition intitulée Z. Marcas. Z. Marcas, C'est une nouvelle que Balzac a en effet publiée dans cette revue parisienne pendant les 3 mois qu'elle a duré. Z. Marcas est justement un journaliste politique qui finit malheureusement et dont, dit-on, l'un des modèles, c'est justement Armand Carrel, dont je parlerai la prochaine fois. Donc cette image du pamphlet comme boulet de canon, comme pièce de guerre, comme pièce d'artillerie, on la retrouverait chez Sainte-Beuve, chez Carrel, partout. Chez Cormenin, le pamphlet est l'artillerie de la presse. Avec le pamphlet, on est vraiment passé de l'arme blanche à l'artillerie lourde. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, troisième partie. Jusqu'ici, vous pourriez me faire l'objection que j'ai surtout parlé du pamphlet de Courier comme d'un pamphlet politique. Or, ce dont je voudrais vous entretenir dans ce cours, c'est de la guerre littéraire, comme je l'ai fait l'an dernier. Bon, sa guerre est politique contre l'alliance du trône et de l'autel, contre la congrégation, contre la réaction religieuse, mais sa guerre est aussi littéraire. Contre les écrivains, en vérité, contre tous les écrivains depuis le XVIIe siècle. Courrier est, on pourrait dire, réactionnaire de ce point de vue, en tout cas intolérant. Et sa phrase la plus citée est sans doute celle-ci, et c'est une phrase qui témoigne certainement d'un certain misogynisme. La voici. « Surtout, gardez-vous bien de croire, c'est dans une lettre, que quelqu'un ait écrit en français depuis le règne de Louis XIV. La moindre femmelette de ce temps-là vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques, Diderot, d'Alembert, contemporains et postérieurs. Ceux-ci sont tous ânes battés sous le rapport de la langue pour user d'une de leurs phrases. Vous ne devez pas seulement savoir qu'ils aient existé. » Bref, personne n'a écrit en français depuis Louis XIV. Cette phrase figure comme exemple de littré, bon républicain, à l'article Femmelette de son dictionnaire. Et elle figure dans une lettre à Boissonnade. Boissonnade était un professeur de grec. À l'époque, quand Courrier lui écrit, c'est en 1812. Donc Courrier est encore jeune quand il s'exprime de cette manière un peu ingrate. Boissonnade était à l'époque professeur de littérature grecque à la Sorbonne. Ensuite, il sera professeur ici. C'est lui qui aura la chaire de grec au Collège de France de 1828 à 1855. Et vous voyez comment, sur quel ton dédaigneux Courrier s'adresse à ce contemporain érudit. Il lui dit « Voilà qui est plaisant, je fais le docteur avec vous ». Et vous voyez que tout ça tourne autour d'une expression « sous le rapport ». Ils sont tous condamnés parce qu'ils utilisent ce genre d'expression et c'est tout à fait typique de Courrier dans ses polémiques littéraires, c'est de reprendre et de détruire un écrivain sur un mot, une expression qui est un cliché, un stéréotype. C'est toujours comme ça qu'il procède. Sous ce rapport, c'est mesquin, dira Sainte-Beuve, ou plus tard Thibaudet, de détruire un écrivain pour un mot. En tout cas, ce mot, sous ce rapport, on le trouve en effet chez les philosophes, mais plutôt chez ceux du début du XIXe siècle. C'est un mot qu'on trouve chez Condillac, chez Maine de Biran, chez Destutt de Tracy. C'est un mot de philosophe contemporain. Et Sainte-Beuve, à propos de cette déclaration, fait remarquer qu'il y en a un que Courrier ne cite pas, c'est Voltaire. Voltaire à qui, vous vous en souvenez, Stendhal le comparait. Courrier, c'est notre Pascal, c'est notre Voltaire, disait-il. Selon Sainte-Beuve, qui essaye de défendre Courrier, devant ses gens d'expression, il ne faut prendre ces maximes, ces aphorismes littéraires de Courrier que comme les saillies d'un goût excellent. C'est au jugement de chacun, ensuite, à les entendre sobrement et à les réduire. Est-il besoin de dire qu'il ne faisait aucun cas de la littérature de son temps, ni de celle de l'Empire, ni, je le crains bien, de celle qui vint depuis. Vers la fin, engagé dans le parti libéral, il a fait quelques politesses à ce qu'on appelait les jeunes talents. Sainte-Beuve l'a connu auprès du Globe et du Romantique. Mais en réalité, il n'a jamais prisé les plus remarquables des littérateurs et des poètes de ce siècle, ni Chateaubriand, ni Lamartine, qu'il raille tous deux volontiers à la rencontre. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur son rapport compliqué à Chateaubriand, hein, puisqu'il est toujours comparé à Chateaubriand, comme par Stendhal. Mais voyez l'expression donc de cette misanthropie littéraire de Courrier, exprimée très tôt, puisqu'il disait dès 1799 dans une lettre « Notre siècle manque non de lecteurs, mais d'auteurs ». Ce qui peut se dire de tous les arts. Courrier est manifestement partisan du « c'était mieux avant », comme on dit aujourd'hui, et a ce sentiment d'un déclin de la langue et de la littérature française. C'est ça qui fait dire à Sainte-Beuve « je le trouve étroit, fermé, négatif et injuste ». Mais Courrier n'en a pas moins une très haute idée de lui-même. Il écrit, en 1809, dans sa lettre à propos de la tache d'encre, « Les gens qui savent le grec sont 5 ou 6 en Europe. » Et il se compte manifestement dans ces 5 ou 6. Et il poursuit en disant, « Ceux qui savent le français sont en bien plus petit nombre. » 1, 2 ou 3. Et là aussi, il se compte certainement parmi ces 1, 2 ou 3. Il a la prétention d'être l'un des seuls à savoir non seulement le grec, mais aussi le français, sous l'Empire et la Restauration. Et il y a là une sorte de provocation qui marque bien cette résistance à toute nouveauté dans la langue et la littérature. Et voici un très beau passage de sa lettre sur la tache d'encre aussi au libraire Renoir, qui l'a qualifié d'helléniste. Et il lui répond « Je ne suis point non plus helléniste, ou je ne me connais guère, si j'entends bien le mot qui, je vous l'avoue, m'est nouveau. » De nouveau, cette guerre contre la néologie. « Vous dites un helléniste, comme on dit un dentiste, un droguiste, un ébéniste. Et suivant cette analogie, un helléniste serait un homme qui étale du grec, qui en vit et qui en vend au public, au libraire, au gouvernement. Il y a loin de là à ce que je fais. Vous n'ignorez pas, monsieur, que je m'occupe de ces études uniquement par goût, ou pour mieux dire par boutade, et quand je n'ai point d'autre fantaisie, que je n'y attache nulle importance et n'en tire nul profit, que jamais on n'a vu mon nom en tête d'aucun livre, que je ne veux aucune des places où l'on parvient par ce moyen, à l'université ou au Collège de France, et que sans les hasards qui m'ont engagé à donner au public un texte de quelques pages, hein, les quelques pages qu'il a découvertes dans la bibliothèque de Florence, jamais on n'aurait eu cette preuve de mon habileté, qu'enfin même après cela, si vous ne m'eussiez démasqué contre toute bienséance et sans nulle nécessité, cette habileté qu'il vous plaît de me supposer ou ne m'eût point été attribuée, ou serait encore un secret entre quelques personnes capables d'en juger. On a donc une revendication d'honnête homme, de loisir studieux à la Montaigne, hein, il y a du Montaigne dans tout ce passage, hein, opposant son plaisir à l'érudition. Courier n'est pas un faiseur de livres. Et Sainte-Beuve signalait cette antipathie chez lui pour les faiseurs de livres, en particulier Chateaubriand, son rival dans l'art de la prose contemporaine. Elle est, par exemple, manifeste, cette antipathie, dans l'un de ses pamphlets, le livret de Paul-Louis Vigneron pendant son séjour à Paris en mars 1823. Bon, c'est un texte qui est publié à Bruxelles et qui appartient à une série de 5 brochures publiées en 1823 et 1824 par Courier. Alors, 1823-1824, c'est le moment où Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères. Et c'est le moment de la guerre d'Espagne, qui est la gloire de Chateaubriand dans sa vie. Chateaubriand qui dit « Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie ». Et ce que livre Courier dans ses pages, c'est une sorte de chronique, hein, nouvelle à la main, journal de cette période. Et c'est évidemment très hostile à Chateaubriand. Voici par exemple ce passage. L'empereur Alexandre a dit à monsieur de Chateaubriand, pour l'intérêt de mon peuple et de ma religion, je devais faire la guerre aux Turcs, mais j'ai cru voir qu'il s'agissait de révolution entre la Grèce et le Turc. C'est le moment de la libération de la Grèce. Et je n'ai point fait la guerre. J'aime bien moins mon peuple et ma religion que je ne hais la révolution qui est proprement ma bête noire. Je me réjouis que vous soyez venu. Je voulais vous conter cela. » Comme en termes de Courrier, « Quelle confidence d'un empereur et le romancier qui publie cette confidence, tout dans son discours est bizarre. Hein » Ce discours, eh bien, c'est le grand discours de Chateaubriand, le premier discours de Chateaubriand à la Chambre des députés, ministre des Affaires étrangères, au retour du congrès de Vérone, au moment où il va lancer l'expédition d'Espagne. Et Courrier continue, tout dans ce discours est bizarre. Il entend sortir les paroles de la bouche de l'empereur. Sortir en italique, eh bien, c'est encore un cliché de Chateaubriand. Il épingle Chateaubriand sur une tournure. Il entend sortir les paroles de la bouche de l'empereur. On entend sortir un carrosse ou des chevaux de l'écurie. Mais qui diantre entendit jamais sortir des paroles? Et que ne dit-il pas? Je les ai vus sortir, ces paroles de la bouche de mon bon ami, qui a 800 000 hommes sur pied. Cela serait plus positif et l'on douterait moins de sa haute faveur à la cour de Russie. Notez qu'il avait lu cette belle pièce aux dames, et quand on lui parla d'en retrancher quelque chose avant de la lire à la chambre, il n'en voulut rien faire, se fondant sur l'approbation de Madame Récamier. Or, dites maintenant qu'il n'y a rien de nouveau. Avait-on vu cela? Nous citons les Anglais. Est-ce que M. Canning, qui est le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, voulant parler aux chambres de la paix de la guerre, consulte les « ladies », les mistresses de la cité? Les gens de lettres, en général, dans les emplois, perdent leur talent. Courrier se moque donc du discours le plus important de la carrière politique de Chateaubriand, son premier discours de ministre le 25 février 1823 revenant de Vérone. C'est un discours où il était attendu et qui, en effet, on savait par la presse qu'il avait été lu et répété dans les salons les jours précédents. Chateaubriand raconte dans ce discours le grand moment qu'a été pour lui le congrès de Vérone et son intimité avec Alexandre, le tsar de Russie. Et il avait commencé ainsi son discours. « J'écarterai d'abord les objections personnelles, les intérêts de mon amour propre ne doivent trouver aucune place ici. Je n'ai rien à répondre à des pièces mutilées, imprimées par je ne sais quel moyen dans des gazettes étrangères. J'ai commencé ma carrière ministérielle avec l'honorable Préopinant, le député qui l'a précédé, qui a justement été ministre des Affaires étrangères pendant les 100 jours. Nous avions tous les deux un portefeuille par intérim, moi à Gand, lui à Paris. Je faisais alors un roman, lui, il s'occupait de l'histoire, je m'en tiens encore au roman. » Parce que Bignon s'en est pris à Chateaubriand, littérateur. Et vous voyez que tout ce que retient Courrier pour détruire un adversaire, un écrivain, c'est un mot, c'est un détail. Cormenin dit bien de lui, c'est l'homme du détail. Jamais des grandes thèses politiques. Par exemple, Benjamin Constant, les pamphlets de Constant ou les pamphlets de Sieyès sont des pamphlets qui portent sur des thèses politiques. C'est toujours par le biais d'une petite chose que Courrier intervient, au fond comme un philologue, comme un érudit minutieux, qui reprend une faute chez l'autre. Et ainsi, c'est cette formule « entendre sortir les paroles » qui sert à anéantir Chateaubriand. Voici la phrase dans le discours de Chateaubriand qui citera Alexandre. « Messieurs, je dois vous faire un aveu. Je suis arrivé au congrès avec des préjugés qui lui étaient peu favorables. Je me souvenais encore des méprises de l'Europe en 1815. » Sincère ami des libertés publiques et de l'indépendance des nations, j'avais été un peu ébranlé par ces calomnies qu'on répète encore tous les jours. Qu'ai-je été forcé de voir à Vérone ? Des princes pleins de modération et de justice, des rois honnêtes hommes que leurs sujets voudraient avoir pour amis, s'ils ne les avaient pour maîtres. J'ai mis par écrit, messieurs, les paroles que j'ai entendues sortir de la bouche d'un prince. » Voilà. Voilà ce qui sert à le détruire. Entendre sortir les paroles. On entend bien sortir un carrosse ou des chevaux de l'écurie, dit Courrier. C'est donc un barbarisme. Et c'est en effet une expression habituelle de Chateaubriand. Lorsque Chateaubriand rend visite à Carrel, à Sainte-Pélagie, en prison, il écrit « Un jour, passant dans le corridor noir qui conduisait à la chambre de M. Carrel, j'entendis une voix ravissante sortir d'une cabine voisine. » On entend sortir les paroles de la bouche. C'est un cliché, et en effet, c'est un cliché qui est apparu, notamment dans la nouvelle Héloïse, où il est habituel, ou dans les romans du XVIIIe siècle. Courrier reprend toujours les autres sur des clichés. Mais on pourrait dire qu'il y a tout de même une certaine solidarité avec Chateaubriand. Il se réclamait de lui dans sa pétition aux deux chambres en 1816. Je crois que c'est un texte que j'ai déjà cité. Chateaubriand a dit dans le livre défendu que tout le monde lit « Vous avez deux poids et deux mesures ». Pour le même fait, l'un est condamné, l'autre absous. Le livre défendu de Chateaubriand, c'est de la monarchie selon la charte, en 1816, que Courrier cite ici. Et il y a donc bien une complicité, une solidarité entre eux, la solidarité des pamphlétaires, des polémistes, et la même sympathie, dirais-je, pour le modèle anglais. Curiosité pour le modèle anglais, et aussi pour le modèle américain de la démocratie et de la liberté de la presse. Vous vous souvenez que Sainte-Beuve disait que Courier attaquait également Lamartine. Les deux écrivains, peut-être les... Oui, Courier attaque Chateaubriand et Lamartine, qui dans ces années 1820 sont les grands écrivains. Et à propos de Lamartine, eh bien c'est encore un petit point de langue, un purisme, dans une lettre à un journal. À ce propos, monsieur, un doute m'est venu, souvent à l'esprit, question purement littéraire que vous me pourrez éclaircir. Monsieur de Lamartine, dont vous louez les ouvrages, me semble avoir pris dans nos lois une bonne partie de son style. Ou bien nos lois ont été faites en style de monsieur de Lamartine, celles au moins qui ne sont pas vieilles. Outrager la morale publique est une phrase tout à fait dans le goût des méditations et hors de ce commun langage que le monde parle et entend. Outrager la morale publique, c'est pour ce délit que Courier a été condamné et envoyé en prison. Et que nous dit-il ? Eh bien que c'est la manière dont s'exprime Lamartine, avec des mots comme « outrage ». Outrage qui figure en effet dans les méditations et qui, nous dit Courier, n'appartiennent pas à cette langue du XVIIe siècle qui est la véritable langue, celle des paysans. Et vous vous souvenez que Courier, lorsqu'il avait trouvé le nouveau passage de Longus, de Daphnis et de Chloé, l'avait traduit dans le style d'Amyot, puisque la traduction originale où manquait ce passage était d'Amyot. Courier est donc un, on peut dire c'est un pédant, c'est un cuistre, en tout cas c'est un homme désagréable, incommode, intolérant, encore plus cuistre que les hellénistes universitaires avec lesquels il correspond à la Sorbonne et au Collège de France. Reste une ou deux complications à résoudre avant d'en finir avec lui. On l'a présenté comme un homme qui est tourné vers cette langue du passé. Et pourtant, vous l'avez vu, il est ami de Stendhal, lié à Stendhal, qu'il fréquente dans ces années 1820, où Stendhal écrit ses pamphlets. Et j'ai dit tout ce que Racine et Shakespeare... Les pamphlets de Stendhal, qui sont le manifeste du romantisme, devaient à Courier qui les a peut-être relus. Comment le situer dans cette bataille romantique qui est en train de monter, alors qu'il est donc lié à Stendhal, qu'il fréquente dans le salon de l'Écluse. Tous deux combattent l'académisme. Et c'est ainsi qu'il serait proche du romantisme. Il a lu sa préface dans ce salon et justifié son parti de traduire Hérodote dans la langue du XVIe siècle, comme il avait contrefait Amyot. Il refuse de faire parler l'Antiquité dans un français néoclassique. Et de l'Écluse rapporte les propos de Stendhal et de Courier. Courier est sans doute pour le maintien du vers dans la tragédie contre Stendhal, mais tous deux sont hostiles à la langue néoclassique, réclament le mot propre contre le haut langage. Il est donc assimilé à ce milieu romantique, ce milieu d'idées nouvelles, par son hostilité au néoclassicisme contemporain. Et c'est ça, en effet, qui le rapproche de Chateaubriand, malgré bien des divergences. Et je voudrais terminer en montrant comment Chateaubriand et Courier se sont lus, malgré l'opposition, l'opposition politique très affirmée entre l'ultra qui était Chateaubriand, le ministre des Affaires étrangères du moment, et l'orléaniste ou le libéral qui était Courrier. C'est un couple qui est opposé par tous, mais en vérité, entre lesquels il existe bien des affinités. Dans le pamphlet des pamphlets, le pamphlet des pamphlets de 1824, publié donc lorsque Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères, vient de triompher dans la guerre d'Espagne, qui a été victorieuse, eh bien, Courrier se moque de lui. Mais en même temps, il voit bien quel sera son sort. C'est dans cet esprit de Valtaille que chez vous, c'est son correspondant anglais fictif qui lui écrit, chacun craint d'être appelé pamphlétaire. Esprit de Valtaille. Les maîtres n'aiment point que l'on parle au public d'eux ni de quoi que ce soit. Le vicomte pamphlétaire est placé. Mais comment ? Voilà le nom de Chateaubriand. Le vicomte pamphlétaire. Ben, le vicomte pamphlétaire, il a une place. Pour le moment, il est valet du roi, ministre des Affaires étrangères. Mais comment ? Et quelques mois plus tard, Chateaubriand sera en effet chassé, remercié de manière très méprisante. Le vicomte pamphlétaire est placé. Mais comment ? Ceux qui l'ont mis et maintiennent là n'en voudraient pas chez eux. Il faut des gens discrets dans la haute livrée, comme dans tout service, et n'est pire valet que celui qui raisonne. Pensez donc s'il imprime et des brochures encore. Hein ? Courrier saisit parfaitement l'animosité du roi Louis XVIII contre Chateaubriand qui publie et qui a publié des brochures, faiseur de livres. Toutefois, Chateaubriand, ce vicomte pamphlétaire, est un lecteur attentif de Courrier. Et c'est très étonnant, mais dans la vie de Rancé, il y a un long passage sur Courrier. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que Courrier et Rancé sont tous deux résidents du même village, en Touraine, Véretz, et que Courrier est assassiné en 1825 dans un bois qui lui appartient, mais qui a appartenu à Rancé plusieurs siècles auparavant. Ça donne lieu à une belle méditation de Chateaubriand sur ce rapprochement entre Rancé et Courrier. On lit, il parle de Rancé, on lit des lettres, et puis voilà la digression sur Courrier, on lit des lettres modernes datées de Véretz. Courrier avait écrit dans sa Gazette du village, donc c'est un texte de 1823, très ancien, lorsque Chateaubriand écrit La vie de Rancé, les rossignols chantent et l'hirondelle arrive. Enfant d'Athènes, l'helléniste, il transmettait à ses camarades le chant du retour de l'hirondelle. Vous voyez, il y a une sorte de mémoire involontaire de Courrier qui revient à travers cette analogie avec Rancé. Courrier, savant helléniste, esprit tumultueux, pamphlétaire à cheval, avait eu le malheur à Florence de tacher d'encre un feuillet de Longus. Et tout revient, tout est résumé dans ce passage de la vie de Rancé. Ensuite, l'éditeur d'un passage perdu de Daphnis et Chloé était venu s'ensevelir dans les lieux qu'avait habité l'éditeur d'Anacréon. Si les arbres sous lesquels fut tué Courrier existent encore, qu'est-il resté dans ces ombrages ? Que reste-t-il de nous partout où nous passons ? Donc, très belle méditation de Chateaubriand, qui termine en citant les derniers mots du pamphlet des pamphlets, « Détournez de moi le calice, la ciguë est amère ». Vous voyez qu'il y a Donc c'est longtemps après. La vie de Rancé, c'est de 1844, pratiquement 20 ans après la mort de Courier. Lorsque Chateaubriand écrit ce passage, il a sous les yeux les pamphlets de Courier. Et je terminerai par le pendant. Courier, tout de même, admirateur de Chateaubriand. Il existe une lettre dont malheureusement on ne connaît pas le destinataire, où Courier parle de Chateaubriand et exprime son admiration, mais toujours de manière sarcastique, puisque c'est un ironiste et un homme méchant. Courrier s'adresse à Chateaubriand. « Ah, vicomte, si vous eussiez été comme moi disciple d'Isocrate, apprenant de lui, expert en telle matière, à écrire peu et à retoucher sans cesse, quel écrivain nous aurions en vous ? Mais non, vous copiez Rousseau, vous apprenez Bernardin par cœur, vous traduisez je ne sais quel poème d'un fanatique anglais, Milton, vous nous habituez aux violences de Shakespeare, qui quitte les classiques, le renie. » Bon, c'est une belle et très longue lettre qu'on peut dater de 1824, donc la fin de la vie de Courrier, avec cette adresse à Chateaubriand et cette reconnaissance. Conclusion sur Courrier, ben, il a été certes bien oublié aujourd'hui, mais il faut insister sur le fait qu'il a été un grand écrivain de la France, édité et réédité, je le disais pour commencer, jusqu'à la fin de la Troisième République, puisque par une coïncidence amusante, l'édition de la Pléiade, aujourd'hui indisponible, date de 1940. Je suppose qu'elle a été publiée avant le mois de mai, avant le début de la guerre, puisqu'elle était peu en phase avec le régime qui s'est installé en juillet 1940 en France. Jusque-là, tous les éditeurs scolaires, Attier, Larousse, avaient leur petit classique Fourier. Mais j'ai l'impression que le Courrier a encore baissé. Vous savez que c'est Gide qui comparait la cote des écrivains à une bourse. Il y a quelques années, chaque fois que je voyais une Pléiade Courrier à la vente d'occasion, je l'achetais et je me suis aperçu que je les ai tous payés beaucoup plus cher qu'il ne vaut aujourd'hui si vous allez essayer de l'acheter sur les sites d'Internet de livres d'occasion. Donc le Courrier a encore baissé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Peut-être que j'aurais fait monter les cours en parlant pendant deux séances de cet enseignement. Merci. C'était les cours du Collège de France le 23 janvier 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courrier, l'homme du pamphlet, troisième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série consacrée au chiffonnier de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Antoine Compagnon et c'est une nouvelle figure de la guerre littéraire au XIXe siècle que nous allons rencontrer avec le journaliste Armand Carrel. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.